ils la virent avec surprise, et ils convinrent tout d'une voix qu'on ne pouvait la mettre d'abord à moindre prix que celui de 4000 pièces d'or. Ils sortirent de la chambre, et Hagi Hassan, qui sortit avec eux après avoir fermé la porte, cria à haute voix sans s'en éloigner. « À 4000 pièces d'or, l'esclave persienne !» Aucun des marchands n'avait encore parlé, et ils se consultaient eux-mêmes sur l'enchère qu'ils y devaient mettre, lorsque le vizir Saoui apparut, comme il aperçut Noureddin dans la place. « Apparemment, dit-il en lui-même, que Noureddin fait encore de l'argent de quelques meubles, car il savait qu'il avait vendu, et qu'il est venu acheter une esclave. » Il s'avance, et Hagi Hassan cria une seconde fois. « À 4000 pièces d'or, l'esclave persienne !» Ce haut prix fit juger à Saoui que l'esclave devait être d'une beauté toute particulière, et aussitôt il eut une forte envie de la voir. Il poussa son cheval droit à Hagi Hassan, qui était environné des marchands. « Ouvre la porte, lui dit-il, et fais-moi voir l'esclave. » Il n'était pas la coutume de faire voir une esclave à un particulier dès que les marchands l'avaient vue et qu'ils la marchandaient. Mais les marchands n'eurent pas la hardiesse de faire valoir leurs droits contre l'autorité du vizir. Et Hagi Hassan ne put se dispenser d'ouvrir la porte et de faire signe à la belle persienne de s'approcher, afin que Saoui pût la voir sans descendre de son cheval. Saoui fut dans une admiration inexprimable quand il vit une esclave d'une beauté si extraordinaire. Il avait déjà eu affaire avec le courtier, et son nom ne lui était pas inconnu. « Hagi Hassan, lui dit-il, n'est-ce pas à 4000 pièces d'or que tu la cries ?»« Oui, seigneur, répondit-il. Les marchands que vous voyez sont convenus il n'y a qu'un moment que je la criasse à ce prix-là. J'attends qu'ils en offrent davantage à l'enchère et au dernier mot. » « Je donnerai l'argent, reprit Saoui, si personne n'en offre davantage. » Il regarda aussitôt les marchands, d'un œil qui marquait assez qu'il ne prétendait pas qu'ils enchérissent. Il était si redoutable à tout le monde qu'ils se gardèrent bien d'ouvrir la bouche, même pour se plaindre sur ce qu'il entreprenait sur leurs droits. Quand le vizir Saoui eut attendu quelque temps et qu'il vit qu'aucun des marchands n'enchérissait. « Eh bien, qu'attends-tu » dit-il à Hagi Hassan. « Va trouver le vendeur et conclut le marché avec lui à 4000 pièces d'or, ou sache ce qu'il prétend faire. » Il ne savait pas encore que l'esclave appartenait à Noureddin. Hagi Hassan, qui avait déjà fermé la porte de la chambre, alla s'aboucher avec Noureddin. « Seigneur, lui dit-il, je suis bien fâché de venir vous annoncer une méchante nouvelle. Votre esclave va être vendue pour rien. »« Pour quelle raison ?» reprit Noureddin. « Seigneur, répartit Hagi Hassan, la chose avait pris d'abord un fort bon train. Dès que les marchands eurent vu votre esclave, ils me chargèrent, sans faire de façon, de la crier à 4000 pièces d'or. Je l'ai criée à ce prix-là, et aussitôt le vizir Saoui est venu, et sa présence a fermé la bouche aux marchands que je voyais disposés à la faire monter au moins au même prix qu'elle coûta à feu vizir votre père. Saoui ne veut en donner que les 4000 pièces d'or, et c'est bien malgré moi que je viens vous apporter une parole si déraisonnable. L'esclave est à vous, mais je ne vous conseillerai jamais de la lâcher à ce prix-là. Vous le connaissez, seigneur, et tout le monde le connaît. Outre que l'esclave vaut infiniment davantage, il est assez méchant homme pour imaginer quelque moyen de ne vous pas compter la somme. Hagi Hassan, reprit Noureddin, je te suis obligé de ton conseil. Ne crains pas que je souffre que mon esclave soit vendu à l'ennemi de ma maison. J'ai grand besoin d'argent. Mais j'aimerais mieux mourir dans la pauvreté que de permettre qu'elle lui soit livrée. Je te demande une seule chose. Comme tu sais tous les usages et tous les détours, dis-moi seulement ce que je dois faire pour l'en empêcher. « Seigneur, répondit Hagi Hassan, rien n'est plus aisé. Faites semblant de vous être mis en colère contre votre esclave, d'avoir juré que vous l'amèneriez au marché, mais que vous n'avez pas entendu la vendre et que ce que vous en avez fait n'a été que pour vous acquitter de votre serment. Cela satisfera tout le monde, et Saoui n'aura rien à vous dire. Venez donc, et dans le moment que je la présenterai à Saoui, comme si c'était de votre consentement et que le marché fût arrêté, prenez-la en lui donnant quelques coups et ramenez-la chez vous. « Je te remercie, lui dit Noureddin, tu verras que je suivrai ton conseil. » Hagi Hassan retourna à la chambre. Il l'ouvrit et entra. Et après avoir averti la belle persienne en deux mots de ne pas s'alarmer de ce qui allait arriver, Il la prit par le bras et la mena au vizir Saoui, qui était toujours devant la porte. « Seigneur, dit-il en la lui présentant, voilà l'esclave, elle est à vous, prenez-la. » Hagi Hassan n'avait pas achevé ses paroles que Noureddin s'était saisi de la belle persienne. Il l'attira à lui en lui donnant un soufflet. « Venez ça, impertinente, lui dit-il assez haut pour être entendu de tout le monde, et revenez chez moi. Votre méchante humeur m'avait bien obligé de faire serment de vous amener au marché. Mais non pas de vous vendre. J'ai encore besoin de vous, et je serai à temps d'en venir à cette extrémité quand il ne me restera plus autre chose. » Le vizir Saoui fut dans une grande colère de cette action de Noureddin. « Misérable débauché, s'écria-t-il, veux-tu me faire accroire qu'il te reste autre chose à vendre que ton esclave ?» Il poussa son cheval en même temps droit à lui pour lui enlever la belle persienne. Noureddin, piqué au vif de l'affront que le vizir lui faisait, ne fit que lâcher la belle persienne et lui dire de l'attendre. Et en se jetant à la bride du cheval, il le fit reculer 3 ou 4 pas en arrière. « Méchant barbon, dit-il alors au vizir, je te ravirais l'âme sur l'heure si je n'étais retenu par la considération de tout le monde que voilà. » Comme le vizir Saoui n'était aimé de personne et qu'au contraire il était haï de tout le monde, il n'y en avait pas un de tous ceux qui étaient présents qui n'eût été ravi que Noureddin l'eût un peu mortifié. Ils lui témoignèrent par signes et lui firent comprendre qu'il pouvait se venger comme il lui plairait et que personne ne se mêlerait de leur querelle. Saoui voulut faire un effort pour obliger Noureddin de lâcher la bride de son cheval. Mais Noureddin, qui était un jeune homme fort et puissant, enhardi par la bienveillance des assistants, le tira à bas du cheval au milieu du ruisseau, lui donna 1000 coups et lui mit la tête en sang contre le pavé. 10 esclaves qui accompagnaient Saoui voulurent tirer le sabre et se jeter sur Noureddin. Mais les marchands se mirent au devant et les en empêchèrent. « Que prétendez-vous faire ?» leur dirent-ils. « Ne voyez-vous pas que si l'un est vizir, l'autre est fils de vizir ? Laissez-les vider leurs différends entre eux. Peut-être se raccommoderont-ils un séjour. Et si vous aviez tué Noureddin, croyez-vous que votre maître, tout puissant qu'il est, pût vous garantir de la justice ?» Noureddin se lassa enfin de battre le vizir Saoui. Il le laissa au milieu du ruisseau, reprit la belle persienne et retourna chez lui au milieu des acclamations du peuple, qui le louait de l'action qu'il venait de faire. Saoui, meurtri de coups, se releva, à l'aide de ses gens, avec bien de la peine, et il eut la dernière mortification de se voir tout gâté de fange et de sang. Il s'appuya sur les épaules de 2 de ses esclaves, et dans cet état, il alla droit au palais et à la vue de tout le monde, avec une confusion d'autant plus grande que personne ne le plaignait. Quand il fut sous l'appartement du roi, il se mit à crier et à implorer sa justice d'une manière pitoyable. Le roi le fit venir, et dès qu'il parut, il lui demanda qu'il l'avait maltraité et mis dans l'état où il était. « Sire, s'écria Saoui, il ne faut qu'être bien dans la faveur de votre majesté et avoir quelque part à ses sacrés conseils pour être traité de la manière indigne dont elle voit qu'on vient de me traiter. « Laissons là ces discours, reprit le roi. Dites-moi seulement la chose comme elle est, et qui est l'offenseur? Je saurais bien le faire repentir s'il a tort. » Sire, dit alors Saoui, en racontant la chose tout à son avantage, j'étais allé au marché des femmes esclaves pour acheter moi-même une cuisinière dont j'avais besoin. J'y suis arrivé, et j'ai trouvé qu'on y criait une esclave à 4000 pièces d'or. Je me suis fait amener l'esclave, et c'est la plus belle qu'on ait vue et qu'on puisse jamais voir. Je ne l'ai pas eu plutôt considérée avec une satisfaction extrême, que j'ai demandé à qui elle appartenait, et j'ai appris que Noureddin, fils du vieux vizir Khacan, voulait la vendre. Votre majesté se souvient, sire, d'avoir fait compter 10 000 pièces d'or à ce vizir il y a 2 ou 3 ans, et de l'avoir chargé de vous acheter une esclave pour cette somme. Il l'avait employée à acheter celle-ci, mais au lieu de l'amener à votre majesté, il ne vous en jugea pas digne et en fit présent à son fils. Depuis la mort du père, le fils a bu, mangé et dissipé tout ce qu'il avait, et il ne lui est resté que cette esclave qu'il s'était enfin résolu à vendre et que l'on vendait, en effet, en son nom. Je l'ai fait venir et sans lui parler de la prévarication, ou plutôt de la perfidie de son père envers votre majesté, « Noureddin, lui ai-je dit le plus honnêtement du monde. Les marchands, comme je l'apprends, ont mis d'abord votre esclave à 4000 pièces d'or. Je ne doute pas qu'à l'envie l'un de l'autre, ils ne la fassent monter à un prix beaucoup plus haut. Croyez-moi, donnez-la-moi pour les 4000 pièces d'or. Et je vais l'acheter pour en faire un présent au roi, notre seigneur et maître, à qui j'en ferai bien votre cour. Cela vous vaudra infiniment plus que ce que les marchands pourraient vous en donner. » Au lieu de me répondre en me rendant honnêteté pour honnêteté, l'insolent m'a regardé fièrement. « Méchant vieillard, m'a-t-il dit, je donnerai mon esclave à un juif pour rien plutôt que de te la vendre. » « Mais, Noureddin, repris-je sans m'échauffer, quoique j'en eusse un grand sujet. Vous ne considérez pas, quand vous parlez ainsi, que vous faites injure au roi qui a fait votre père ce qu'il était, aussi bien qu'il m'a fait ce que je suis. Cette remontrance qui devait l'adoucir n'a fait que l'irriter davantage. Il s'est jeté aussitôt sur moi comme un furieux, sans aucune considération pour mon âge, encore moins pour ma dignité, m'a jeté à bas de mon cheval, m'a frappé tout le temps qu'il lui a plu, et m'a mis en l'état où votre majesté me voit. Je la supplie de considérer que c'est pour ses intérêts que je souffre un affront si signalé. » En achevant ces paroles, il baissa la tête et se tourna de côté pour laisser couler ses larmes en abondance. Le roi, abusé et animé contre Noureddin par ce discours plein d'artifices, laissa paraître sur son visage des marques d'une grande colère. Il se tourna du côté de son capitaine des gardes qui était près de lui. « Prenez 4 hommes de ma garde, lui dit-il, et quand vous aurez mis la maison de Noureddin au pillage et que vous aurez donné les ordres pour la raser, amenez-le-moi avec son esclave. » Le capitaine des gardes n'était pas encore hors de l'appartement du roi qu'un huissier de la chambre qui entendit donner cet ordre avait déjà pris le devant. Il s'appelait Sangiar, et il avait été autrefois esclave du vizir Khacan, qui l'avait introduit dans la maison du roi, où il s'était avancé par degrés. Sangiar, plein de reconnaissance pour son ancien maître, et de zèle pour Noureddin qu'il avait vu naître, et qui connaissait depuis longtemps la haine de Saoui contre la maison de Khacan, n'avait pu entendre l'ordre sans frémir. « L'action de Noureddin, dit-il en lui-même, ne peut pas être aussi noire que Saoui l'a raconté. Il a prévenu le roi et le roi va faire mourir Noureddin sans lui donner le temps de se justifier. » Il fit une diligence si grande qu'il arriva assez à temps pour l'avertir de ce qui venait de se passer chez le roi et lui donna lieu de se sauver avec la belle persienne. Il frappa à la porte d'une manière qui obligea Noureddin, qui n'avait plus de domestique il y avait longtemps, de venir ouvrir lui-même sans différer. « Mon cher seigneur, lui dit Sangiar, il n'y a plus de sûreté pour vous à Balsora. Partez et sauvez-vous sans perdre un moment. » « Pourquoi cela ? Reprit Noureddin. « Qu'y a-t-il qui m'oblige si fort de partir ?»« Partez, vous dis-je, reprit Sangiar, et emmenez votre esclave avec vous. En deux mots, Saoui vient de faire entendre au roi, de la manière qu'il a voulu, ce qui s'est passé entre vous et lui, et le capitaine des gardes vient après moi avec 40 soldats, se saisir de vous et d'elle. Prenez ces 40 pièces d'or pour vous aider à chercher un asile. Je vous en donnerai davantage si j'en avais sur moi. Excusez-moi si je ne m'arrête pas davantage. Je vous laisse malgré moi pour votre bien et pour le mien, par l'intérêt que j'ai que le capitaine des gardes ne me voie pas. » Sangiar ne donna à Noureddin que le temps de le remercier et se retira. Noureddin alla avertir la belle persienne de la nécessité où ils étaient l'un et l'autre de s'éloigner dans le moment. Elle ne fit que mettre son voile, et ils sortirent de la maison. Ils eurent le bonheur non seulement de sortir de la ville sans que personne s'aperçût de leur évasion, mais même d'arriver à l'embouchure de l'Euphrate qui n'était pas éloignée, et de s'embarquer sur un bâtiment prêt à lever l'ancre. En effet, dans le temps qu'ils arrivèrent, le capitaine était sur le tillac au milieu des passagers. « Enfants, leur demandait-il, êtes-vous tous ici? Quelqu'un de vous a-t-il encore affaire? Ou a-t-il oublié quelque chose à la ville ?» À quoi chacun répondit qu'ils y étaient tous et qu'ils pouvaient faire voile quand il lui plairait. Noureddin ne fut pas plutôt embarqué qu'il demanda où le vaisseau allait, et il fut ravi d'apprendre qu'il allait à Bagdad. Le capitaine fit lever l'ancre, mit à la voile, et le vaisseau s'éloigna de Balsora avec un vent très favorable. Voici ce qui se passa à Balsora pendant que Noureddin échappait à la colère du roi avec la belle persienne. Le capitaine des gardes arriva à la maison de Noureddin et frappa à la porte. Comme il vit que personne n'ouvrit, il la fit enfoncer, et aussitôt ses soldats entrèrent en foule. Ils cherchèrent par tous les coins et recoins, et ils ne trouvèrent ni Noureddin ni son esclave. Le capitaine des gardes fit demander, et demanda lui-même aux voisins, s'ils ne les avaient pas vus. Quand ils les eussent vus, comme il n'y en a pas un qui n'aimât Noureddin, il n'y en avait pas un qui eût rien dit, qui pût lui faire tort. Pendant que l'on pillait et que l'on rasait la maison, il alla porter cette nouvelle au roi. « Qu'on les cherche en quelque endroit qu'ils puissent être, » dit le roi. « Je veux les avoir !» Le capitaine des gardes alla faire de nouvelles perquisitions, et le roi renvoya le vizir Saoui avec honneur. « Allez, » dit-il, « retournez chez vous, et ne vous mettez pas en peine du châtiment de Noureddin. Je vous vengerai moi-même de son insolence. » Afin de mettre tout en usage, le roi fit encore crier dans toute la ville par les crieurs publics qu'il donnerait 1000 pièces d'or à celui qui lui amènerait Noureddin et son esclave, et qu'il ferait punir sévèrement celui qui les aurait cachés. Mais quelque soin qu'il prit et quelque diligence qu'il fit faire, il ne lui fut pas possible d'en avoir aucune nouvelle, et le vizir Saoui n'eut que la consolation de voir que le roi avait pris son parti. Noureddin et la belle persienne, cependant, avançaient et faisaient leur route avec tout le bonheur possible. Ils abordèrent enfin à Bagdad, et dès que le capitaine, joyeux d'avoir achevé son voyage, eut aperçu la ville. « Enfant, » s'écria-t-il en parlant aux passagers, « réjouissez-vous, la voilà, cette grande et merveilleuse ville, où il y a un concours général et perpétuel de tous les endroits du monde. Vous y trouverez une multitude de peuples innombrables, et vous n'y aurez pas le froid insupportable de l'hiver, ni les chaleurs excessives de l'été. » Vous y jouirez d'un printemps qui dure toujours avec ses fleurs et avec les fruits délicieux de l'automne. Quand le bâtiment eut mouillé un peu au-dessus de la ville, les passagers débarquèrent et se rendirent chacun où ils devaient loger. Noureddin donna 5 pièces d'or pour son passage et débarqua aussi avec la belle persienne. Mais il n'était jamais venu à Bagdad et il ne savait où aller prendre logement.